Bonjour Aurore. Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, très bien. Deuxième épisode d'Hockey Ciné. Oui, ça y est. Après avoir parlé de Super Mario, on va rester dans les films d'animation, parce qu'en ce moment, il y en a des très bons. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va pas tergiverser plus longtemps et on va vous parler aujourd'hui de Spider-Man Across the Spider-Verse qui fait suite à Spider-Man New Generation sorti en 2018. Il a fallu attendre 5 ans. Ouais. C'est très long, C'est mais vrai. l'attente en valait la peine. Ah oui. Petit rappel sur le synopsis. Donc, après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de Spider-héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Oula, attention, ça donne envie. Donc on a eu l'occasion de le découvrir récemment. Alors qu'en as-tu pensé, Aurore? Moi, je l'ai trouvé extrêmement beau graphiquement. Ouais. Vraiment, bah, le premier déjà graphiquement était absolument magnifique, c'était vraiment nouveau. Et là, ils se sont encore plus, je trouve, dépassés, notamment par rapport au Spider-Man Punk, qui est assez impressionnant. J'ai vu quelques ils ont, enfin, j'ai vu quelques explications comment ils ont Créer le créé le personnage, ouais. personnage, animé le personnage. Et en fait, normalement, quand on anime un personnage, notamment les mouvements, ils sont animés sur un même nombre d'images par seconde, frame. Et là, en fait, c'est pas ce qu'ils ont fait. Chaque vêtement, chaque mouvement, sa tête, sa guitare, tout ça, c'est animé sur, je sais pas, la tête, elle va être animée sur 3 frames, la guitare va être animée sur 6. Ah oui, Et donc, du d'accord. coup, c'est pour ça qu'on a une impression de décalage et de pause par rapport à certains trucs. Et un truc extrêmement saccadé que je trouve extrêmement bien fait. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant, et puis après, on finit par s'y faire, et comme tu dis, ça sort du lot, mais il y a vraiment des personnages totalement différents, encore plus que dans le premier film. Là, on voit des Spider-Man divers et variés, et je te rejoins là-dessus, en effet, bah, sur le graphisme, c'est magnifique. Le premier était déjà exceptionnel. Alors après, faut aimer. Tout le monde n'aime pas, C'est vrai, je c'est vrai. pense, ce genre de film, enfin d'animation. Moi, je sais que autour de moi, j'ai des personnes qui étaient très réfractaires, mais je pense voilà, faut que l'œil se fasse à cette C'est animation. ça, c'est ça. Et une fois qu'on s'y fait, franchement, on prend un pied monumental. Oui. Ah bah c'est sûr que ça change du 3D tout rond de chez Disney. Et bah, c'est sûr que oui, et puis il y a énormément de changements de couleurs, ça explose de partout, donc ça peut vite donner mal à la tête, effectivement. Et les graphismes bougent constamment, en fait. Il y a toujours des particules qui bougent, et effectivement, par rapport aux animations qu'on a plus l'habitude de voir, bah, ça bouge beaucoup plus, ça peut être plus dérangeant, et ça, je le comprends. Ouais. Au niveau donc de l'histoire, parce que bon là on a parlé de la forme, elle est très belle. Au niveau Oui. de l'histoire, qu'en as-tu pensé? Oh bah, alors, ce qui est impressionnant, c'est que ça rejoint énormément le premier. On voit que ça a été, enfin, ça suit énormément, et on voit que le premier a déjà expliqué quelques trucs du deuxième. En fait, en regardant le deuxième, on a des explications du premier sur notamment les changements de couleur lorsqu'il rencontre le premier Spider-Man, tout ça. Et c'est vraiment impressionnant, et vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Frustrant à la fin, mais parce que bon, on va devoir attendre aussi longtemps pour la suite, malheureusement. Mais franchement, si pour la suite ils font un aussi beau travail que pour les deux premiers, ça vaudra le coup. Alors moi sur l'histoire je suis un peu plus partagé Ah oui. puisque je trouve que ce second opus il se divise en deux parties pour moi. Donc déjà il est assez long hein, pour un film d'animation, il dure pas loin de 2h20, ce Oui. qui est beaucoup. C'est vrai. Et je trouve qu'en effet il y a une première partie qui est vraiment dans la continuité du premier, avec d'ailleurs un nouveau Némésis, qui est pas mal fait d'ailleurs, qui ressemble un peu à moi ça m'a fait penser à Rorschach dans Watchmen. Le gars qui a un masque blanc avec des taches, et puis bah ça fait référence aussi au test de Rorschach, hein. C'est en psychologie ou en psychiatrie, je sais plus Oui. exactement. Et pour le coup, j'ai trouvé que la première partie, mais exceptionnelle, rien à dire, c'est dynamique, c'est coloré, tout ce que tu veux, mais dans la seconde partie, comme tu l'as dit, étant donné qu'il y aura un troisième opus, et ben ça servait plus d'amorce Oui. à ce troisième opus, et C'est je vrai. trouve qu'on perd légèrement en rythme et en qualité scénaristique. Pour moi, après, c'est mon avis personnel, j'ai trouvé que ça faisait trop introductif, en fait, la deuxième partie, et finalement, sur 2h20, et ben, j'aurais préféré peut-être qu'il soit moins long et que ça sert moins d'introduction à un troisième opus. Voilà, sur la fin, alors, je me suis pas ennuyé, attention, hein, le film est très bien, Oui. mais j'ai eu ce ressenti-là. Je sais pas, du coup, maintenant, en te le disant, si tu te dis, ah oui, en y réfléchissant, je suis d'accord avec toi ou pas du tout. Ouais, non, je comprends. Après, bah, je sais pas, je préfère avoir cette introduction-là à ce moment-là que l'avoir au tout début du troisième où, en fait, on va te réexpliquer que bah, la tâche, en fait, il est méchant parce que pour ça, et en fait, les gens, ils courent après pour ça. Donc, en soi, je veux un peu. Enfin voilà, je suis contente qu'il y ait eu cette introduction-là dès le deuxième opus, plutôt que d'avoir le troisième qui, au moins, on est direct dans le sujet, tu vois, dans le troisième, on sera direct dans le sujet, et ça clôturera la trilogie. Donc, ouais, je comprends qu'effectivement, ça faisait très introduction, mais je trouve qu'elle est quand même utile pour le reste. En tout cas, j'espère, parce que si au final, ils nous disent, non, en fait, c'était pas du tout Oui, c'est ça, sûr. Là, on serait on va... déçus. Ouais, c'est clair. Et pour le coup, bah, ça fait un peu comme le Seigneur des Anneaux, pas le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, où le deuxième, c'est pareil, se terminait sur un cliffhanger Oui. avec le dragon, et finalement, voilà, ça laissait la porte ouverte au troisième. Donc c'est toujours très C'est ça. frustrant, bien évidemment. Oui. Et en fait, c'est tellement frustrant que, comme voilà, comme je disais, en fait, tu démarres tellement sur les chapeaux de roue qu'à la fin, bah, t'as ce goût un peu d'inachevé. Donc à la fois, bah, t'es content parce que tu sais qu'il va y avoir une suite, C'est et en ça. même temps, tu te dis, ah, j'aurais aimé, voilà, qu'il y ait quand Pourquoi? même une vraie fin, entre guillemets, même s'il y en a Oui. plus ou moins une, mais voilà, on n'en dira pas plus pour ne pas spoiler. C'est ça. Hormis les graphismes et l'histoire, qu'as-tu apprécié d'autre, ou peut-être que des choses que tu as peut-être moins appréciées aussi, hein, je ne sais pas. Bah, on retrouve l'univers musical qui est extrêmement sympa. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont vraiment joué sur toutes les sortes d'animations et toutes les sortes de Spider-Man. Et notamment le stop motion avec les Lego, que j'ai trouvé ça incroyable, le clin d'œil là. Évidemment, il y a également enfin, voilà, différents clins d'œil de tous les Spider-Man qu'on a pu voir, notamment avec Andrew Garfield. Et ça, j'ai trouvé vraiment sympa. Et le film d'animation est ultra référencé. Oui. Quand on est adepte de cet univers, de ce multivers même, on prend un plaisir fou. Et pour en revenir à l'histoire des Lego, j'ai vu qu'a priori, c'est une scène qui a été rajoutée. En fait, à la base, a priori, c'est un petit garçon qui a fait ça de lui-même, justement. Et ils ont tellement aimé les réalisateurs, parce que les réalisateurs, c'est ceux qui ont notamment fait, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est l'un des deux ou les deux, bah, le film Lego, Ah oui. où qu'ont produit Chris Lord et Christopher Miller. Et du coup, bah, comme voilà, ils sont aficionados des Lego, bah, du coup, ça a été Oui. ajouté dans le film. Mais j'avoue que les clins d'œil sont légion, et c'est vraiment bien. Et puis, bah, pour en revenir à la bande-son, comme dans le premier film, C'est ça. elle est exceptionnelle. Enfin, franchement, t'as envie d'écouter la BO en boucle, elle est actuelle. Et puis l'avantage, c'est que le film, il est grand public, mais avec une certaine maturité. Je trouve que par rapport à d'autres films d'animation, où parfois, bon, c'est tout public, mais quand même jeune public, là, franchement, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais dans la salle de cinéma, il y avait à la fois des très jeunes enfants, mais aussi des adultes, voire même des personnes plus âgées. Oui. Et juste pour préciser, en fait, le gamin qui a fait la scène Lego, il a refait, en fait, c'est tout le premier teaser, trailer, qu'il a refait en entier en Lego. Et ils l'ont embauché, du coup, pour faire cette scène-là. Ouais, voilà, c'est sa petite Voilà, c'est pour précision, en ça. effet. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça Mais génial. Enfin, c'est une belle histoire. oui, c'est vrai que c'est vraiment pour tous les âges. Bah, après, voilà, Spider-Man, c'est un peu tous les âges, hein, le premier film 2001, 2002. Donc, voilà, ça. Moi, personnellement, c'est ma petite ma génération. Oh, Donc, moi, j'avais 7 ans. Voilà, mais ouais, c'est pour tout le monde, et je pense que tout le monde y trouvera son compte. En tout cas, Aurore et moi ne pouvons que vous conseiller de le voir. Je crois qu'il a l'air de pas mal marcher. Enfin, Ça avait été un peu, au niveau box-office, un peu compliqué, mais j'ai cru comprendre qu'a priori ça a l'air de repartir. Donc j'espère qu'en tout cas il aura un certain succès comme le premier opus parce qu'il le mérite et ça permettra de consolider une suite. Alors je ne sais pas quand elle est attendue, mais a priori on va pas attendre 5 ans. Ça sera moins long de ce que j'ai cru comprendre parce qu'ils ont anticipé, je pense, le Ouais. fait qu'il y ait une suite. Donc j'ose espérer peut-être voilà, peut-être d'ici 2-3 ans. Voilà, c'est à peu près Oui. le délai moyen d'une Oui. suite au cinéma. Bah, effectivement, pour le box-office, en fait, ils sont arrivés entre bah, Mario Bros qui est sorti il y a un mois et là, il y a Élémentaire qui va sortir bah, là en juillet. Comme ça, qui est le premier film Disney Pixar là, de cette année, je pense, un truc comme ça. Donc, du coup, forcément, il arrive entre deux gros dessins animés, donc c'est un peu compliqué, même si c'est une suite. Mais bon, voilà, après, on verra. Oui, on verra, mais bon, voilà, je pense que il y aura du succès Oui, et ne serait-ce qu'en France, parce que on oui. s'est bien rendu compte que sur certains gros films qui ne fonctionnaient pas à l'international, Oui. en France, pour le coup, voilà, les Oui. spectateurs étaient présents. Effectivement. Donc, comme vous le savez, dans Hockey Ciné, voilà, on aime bien parler d'un film qu'on a aimé voir au cinéma, mais aussi revenir sur des faits étonnants, surprenants autour des films. Alors, on l'a plus ou moins fait avec là le Spider-Man avec cette petite histoire de Lego, mais bien évidemment, il y en a d'autres, n'est-ce pas, Aurore? Effectivement, effectivement. Alors, j'ai juste un tout petit fun fact par rapport à Spider-Man. C'est le film d'animation qui a eu le plus de personnes sur l'animation. Ils ont été plus de 1000 personnes à faire l'animation. Enfin, c'était vraiment Ah un oui, c'est projet énorme. impressionnant. Ouais, c'est un projet énorme. Ah oui, en effet. Alors, effectivement, en fait, donc, autre fun fact. Alors là, c'est par rapport à La La Land. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait Babylone il n'y a pas longtemps. Donc, bon, voilà. En fait, si tu te souviens bien, lors du repas où la scène elle est toute verte dans La La Land, où lors du repas, il y a Ryan Gosling qui sort un énorme soufflé, une énorme tarte Oui, du oui, oui, four. oui, oui. C'est toujours, enfin, on s'est toujours demandé pourquoi en fait. Et en fait, c'est parce que ils ont fait un repas avec Damien Chazelle, Emma Stone et Ryan Gosling et toute l'équipe du film. Et en fait, il a dit bah, vous ramenez quelque chose à manger, enfin un repas partagé et tout. Et je sais pas, Damien Chazelle, il a ramené, je sais pas, du vin. Emma Stone, elle a ramené des fleurs et tout ça. Et en fait, Ryan Gosling, lui, dans sa grande éloquence, eh ben, il est venu avec une énorme tarte en fait. Et donc, du coup, cette tarte dans La La Land est un clin d'œil, en fait, à ce repas-là, quoi. D'accord, ah oui, tout bêtement, enfin, Voilà. ouais, comme quoi il faut pas grand-chose parfois pour l'éclore dans un film, C'est on se ça. demande d'où ça sort, et puis voilà, c'est lié au tournage et tout ce qui l'entoure. Très bien, donc oui, en effet, La La Land, je pense que c'est pareil, il y a énormément de références à plein de choses, Damien Ah oui. Chazelle aimant voilà, Là, les Chantons films sous la pluie, musicaux, hein, énormément. Voilà. oui. Chantons sous la pluie, il y a rendu hommage bah, là dans La La Land. En plus, après, il l'utilise énormément dans Babylone, étant donné que c'est les années-là à peu près. Donc, enfin, c'est les années-là. Donc, voilà, oui, effectivement. Il y a plein, plein, plein de références. Très bien, merci Aurore pour ce fait surprenant, étonnant. Voilà, vous dormirez moins bête. Ou si vous revoyez La La Land, peut-être que vous vous arrêterez sur ce soufflet. Peut-être que vous essayerez de le refaire chez vous, je ne sais pas. Donc, on va passer aux prochaines sorties, puisque voilà, il y a des films qui nous donnent envie. Alors, voilà, nous verrons bien si nous sommes aussi conquis que le Spider-Man. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des films qui vont sortir prochainement et qui nous donnent envie. Donc, Aurore et moi, comme à chaque fois, on en a sélectionné un chacun. Et puis voilà, on va en discuter un petit peu. Alors Aurore, toi, quelle est la sortie que tu attends impatiemment? C'est le 5 juillet Oui. et c'est en fait à l'occasion des 21 ans, je crois, un truc comme ça, de la sortie du film. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat qui ressort donc le 5 juillet. Et enfin voilà, juste pour rendre, juste pour Chabat, on chérait. Alors, si pour essayer de faire plus de sorties que la sortie du premier du Asterix de cette année. Hein, oui, voilà, en juste pour par plaisir. Oui. Non, mais puis... Et je sais pas si t'as vu la bande-annonce qu'il a ressortie non, à l'occasion. Non, j'ai pas l'occasion de la revoir. Elle est incroyable. Parce que je crois qu'il n'y a pas des nouvelles scènes, il me semble. Non, il n'y a pas de nouvelles scènes. C'est juste un remaster du film en 4K. Enfin, c'est ça, ouais. Ils ressortent le film en fait à l'occasion de l'anniversaire. D'accord, du film. Ok. Ouais. Ok, ok. Oui, parce qu'il est sorti en 2002. Ouais, donc oui, il va avoir 21 ans. Du coup, ouais. Bon, pourquoi pas, pourquoi ils ne l'ont pas sorti l'année dernière pour les 20 ans, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas. Pourquoi attendre 21 ans? Mais bon. Donc, est-ce que, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu globalement, voilà, l'histoire du film. L'histoire du film, donc, c'est Cléopâtre qui propose un défi à César. Ouais. Non, c'est l'inverse. C'est César qui propose un défi exact, à Cléopâtre. Mais excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Et en fait, César lui dit, lui propose qu'en 3 mois, il lui propose de faire le plus beau des palais pour prouver que Rome n'a pas le plus beau palais et que c'est l'Égypte qui a les plus beaux palais. Et donc, du coup, il y a l'architecte qui va demander de l'aide à Astérix Obélix, notamment pour la potion magique, pour construire ce palais en 3 mois. 3 mois ? 3 mois ? Et puis, bah oui, on s'ennuie pas hein, dans ce film. Hein. Franchement, non, pour se dire l'un des meilleurs Astérix Obélix. Ah oui, non, vraiment. Et puis, il y a des rêves de tout âge. Moi, ce que j'ai vraiment aimé en voyant ce film pour la première fois, c'est que tu le regardes une fois, tu vois, à un certain âge, tu vois certaines références. Et après, tu grandis et tu le revois et tu comprends d'autres références. Ah oui, mais j'avais pas compris ça à la base, et etc., etc. Et au fur et à mesure où les personnes, eux, ont les références, ils en ont d'autres par rapport à toi, et on s'échange des références, et en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de références différentes. Est-ce que toi, tu l'as vu pour la première fois à quel âge? Moi, je l'ai vu assez tard, j'avoue. Je sais pas, j'ai 15-16 ans, un truc comme ça, donc ouais, je l'ai vu assez tard. Bah, moi, en 2002, oui, j'avais 9 ans. Alors, je sais pas si je l'ai vu à sa sortie, mais j'ai quand même le souvenir de l'avoir vu au cinéma. Donc, forcément, j'ai 20 ans de plus aujourd'hui. Donc, voilà, si je le revois, je vais pas du tout, je pense, appréhender le film de la même façon, forcément. Oui. Comme tu le disais. Ah, s'il est sorti en juillet, voilà. Moi, j'étais pas née. Donc, je suis pas allée le voir au cinéma, désolé. Mais, parce que tu es née en 2002 ? Oui, je suis née en 2002. Ouais. Ah oui, donc je sais pas dans quel mois il est sorti, mais dans tous les cas, tu n'aurais pas pu le voir. Non, clairement. Sauf peut-être ou à 2-3 mois, en tout mais cas. Bon, ou pas de souvenirs, en effet. Bon, bah, en effet, je pense qu'on retourne. En tout cas, j'espère qu'il y aura énormément de personnes à aller le voir, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu au cinéma, parce que je pense que voilà, c'est un film à découvrir au cinéma. Je pense que la salle va être hilar, donc ça va créer aussi une certaine ambiance. Et puis comme beaucoup de personnes ont des références, bon bah voilà, je pense que ça va être sympa. Enfin, j'ai hâte aussi de pouvoir le revoir. Alors moi, en ce qui me concerne, c'est pas une ressortie, mais voilà, c'est une saga qui perdure depuis de nombreuses années, puisqu'elle met en vedette Tom Cruise depuis 1996. Donc ça remonte un petit peu. Oui. C'est la saga Mission Impossible. Oui. Alors, pour le coup, elle a démarré en 96 et... Qui aurait prédit que ça aurait duré autant de temps? Enfin, c'est Cali, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais qu'on en soit quand même à sortir le 7e opus cette année, c'est incroyable, improbable. Enfin, moi, je sais pas, mais... Après, Fast and Furious vient de sortir le 10e, après, ça, je dirais, mais... Et puis, Mission Impossible est quand même plus qualitatif que Fast and Furious. En tout cas, je trouve que Mission Impossible, c'est quand même... bonifié avec le temps, ce que Fast and Furious malheureusement n'a pas trop réussi à faire. Oui, et puis Tom Cruise a fait ses casquettes tout seul assez vite, donc forcément il y a eu une qualité, et puis lui il a eu sa patte dans la production, tout ça. Exactement. Donc effectivement il a pu suivre. Et comme tu te parles de cascades, c'est qu'à chaque film, mais alors il défie tout, quoi. Enfin c'est incroyable, il les fait lui-même, et à chaque fois on se dit, oh bah il peut pas faire mieux, mais si, il fait encore mieux, il a accroché un avion à la tour, c'était le Burj Khalifa, enfin bref, c'est tellement impressionnant. Nous forcément, on est au cinéma, on voit ça, on se dit, oui bon bah il y a peut-être des effets spéciaux et du trucage, mais finalement non. Rien du tout, donc ça fait encore plus flipper. Donc en l'occurrence, le dernier Mission Impossible est sorti il y a 5 ans. Ouais. C'était avec Fallout, qui était exceptionnel. Vraiment, moi, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est toujours le même réalisateur, Christopher McQuarrie, qui reprend du service avec Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, puisque le film sera décomposé en deux parties, et normalement, ça clôturera la saga. Et la suite sort l'année prochaine, donc au moins, on n'aura pas à attendre très longtemps. C'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, pour l'histoire, dans Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Donc le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu, alors que les forces obscures de son passé resurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu'il aime. Bon, déjà le pitch un peu comme les précédents, on sent qu'il va y avoir des enjeux. Oui. Et on va pas s'ennuyer. Je pense qu'il va y avoir c'est un film d'action. Il va y avoir un méchant, je pense, à la hauteur. Et puis voilà, quand j'entends une course mortelle autour du globe, bon bah forcément, ça va être top, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà qu'ils étaient partis dans pas mal d'endroits dans les précédents Mission Impossible. Oui. Alors là, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. 2h43 de film. Ouais. Quand même pour une première partie seulement. Hein. Oui. Donc, c'est pour dire. Et bah, le casting, on retrouve bien évidemment les anciens acteurs. On a Simon Pegg, on a Ving Rhames, Rebecca Ferguson aussi, qui jouait déjà dans les précédents opus. Et en les personnes qui arrivent, on a L.A. Atwell, qui a joué notamment Peggy Carter. Ouais. En effet, on retrouve aussi Pomme Clémentieff, qui joue dans les Marvel, qui joue dans les Gardiens de la Galaxie, Mantis. Et puis après, d'autres acteurs un peu moins connus, mais voilà, en voyant leur visage, vous les reconnaîtrez assez facilement. Donc moi, j'ai hâte, en tout cas. Tu les as tous vus, l'émission Impossible, Aurore ? Oh, je pense, oui. Ouais. Oui, oui. Donc, tu ne vas pas manquer celui-ci. Non. Bon, bah, en tout cas, l'été va bien démarrer. Oui, oui. Parce que déjà, avec une ressortie de Mission Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, plus là, Mission Impossible, on passe de la comédie à l'action, mais on va pas être déçu dans tous les cas. Non. Bah écoute, merci Aurore pour ce nouvel épisode. Merci voilà, à toi. Ça m'a fait plaisir voilà, de parler encore d'un film d'animation, puisque je trouve que, ça c'est pas qu'ils sont pas mis en avant, mais on cantonne parfois le film d'animation au jeune public, on se dit c'est pour les enfants, mais non, ça peut être adulte, la preuve hein, avec Spider-Man, et voilà, il y en a bien d'autres, donc... Allez voir les films d'animation. Intéressez-vous au film, puisque, comme vous avez pu le découvrir, il y a plein de faits étonnants autour d'un film. Voilà, la petite bande-annonce Lego, le soufflet. Et puis, surtout, continuez à aller au cinéma, puisque, voilà, j'espère qu'on vous a donné l'eau à la bouche. Mais en tout cas, nous, même s'il va faire beau cet été, on est quand même bien au frais dans les salles de cinéma. Oui, ça fait du bien aussi. Et puis, voilà, de passer un bon moment entre amis ou en famille. On se retrouve pour un prochain épisode d'Hockey Ciné. Aurore, oui, oui. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.